le camarade Osawa de la Fédération anarchiste japonaise expose la situation du mouvement libertaire au Japon. La parole à Mitsubishi Ota. We can understand well that anarchism is recovering spiritually as an actual revolutionary force in Europe and in Japan also. In order to ensure such a request from our situation, we can find a big meaning in this time. But I must confess, I am very regret and disappointed because there are four white men except three of us Japanese anarchists. As you know, Europe is not only the center of world revolution. Anyway, we hope our Congress will finish under the fruitful result. En français l'intervention des camarades japonais. Je veux saluer tous les camarades de ce congrès au nom de la Fédération anarchiste japonaise. Nous pouvons considérer que l'anarchisme est en train de redevenir une force révolutionnaire active. De façon à répondre à certaines questions à propos de notre situation, j'espère que cela sera fait au cours de ce congrès. Camarades, je dois confesser que mon grand regret et mon désappointement à propos du fait qu'il n'y a que des hommes blancs ici, si ce n'est les trois camarades anarchistes japonais dans ce contexte. Comme vous savez, l'Europe n'est pas le seul centre de la révolution mondiale. L'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine sont en train de développer des nouvelles forces révolutionnaires.